est-elle maladroite? Faut-il l'enfermer dans une boîte? Ou sait-elle ce qu'elle fait vraiment lorsqu'elle s'offre à mes mains docilement? Ta main fragile parle le langage des signes. Je ne comprends que ce qui est facile. Ta main gauche s'en indigne. Cet anneau qu'on passe à nos mains gauches, c'est le sort que l'on jette sans la vie qui nous fauche. Et dans 20 ans, ça n'aura plus le même sens. Les dés auront roulé, nos mains auront touché l'essence du jeu à 4 mains. Sur le clavier des sens, ta main parle et dit des vérités que je ne peux répéter. Ton regard, sait-il ce qu'il fait naître? Est-il aveuglé par sa quête? Ou croit-il qu'il perce un mystère, qu'il règne au-delà de sa sphère? Ton œil changeant cherche les gestes qui parlent. Il ne voit rien qui lui montre ta main. Passe dans la lumière, c'est l'âme qui voyage pour ce jour sur la terre. Une minute intensive où le sort est donné à ceux qui ont joué et qui voudraient gagner. Le tour de magie qui cache à de nos années, il veut voir ton...